Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une histoire des ministres et des ministères dans la fabrique de l'histoire à l'occasion de la sortie d'un livre et d'un documentaire de télévision signé Jean-Michel Djian et titré Ministre ou rien, documentaire que vous pourrez voir vendredi prochain sur France 3. Demain d'ailleurs, nous diffuserons un documentaire radio tiré des entretiens réalisés par Jean-Michel Djian avec une douzaine d'anciennes et d'anciens ministres sur leur expérience ministérielle telle qu'ils et elles l'ont imaginée et telle qu'elle s'est réellement déroulée. Mercredi, dans le cadre de la journée Cause commune organisée par France Culture avec le Figaro. Nous nous interrogerons sur la place de la politique dans ce journal. Jeudi, nous débattrons du rôle de ceux qui ne s'appelaient pas encore ministres, secrétaires d'État auprès du roi sous l'Ancien Régime. Et d'Ancien Régime, nous allons également parler ce matin dans une balade enregistrée à Versailles où entre 1759 et 1770 s'est mise en place à deux pas du château la première architecture de bureaux et d'archives pour trois ministères, la guerre, les affaires étrangères et la marine. Une balade dans laquelle nous serons guidés par Basile Baudez et Sophie Danis. Nous voici donc à Versailles pour cette première émission de notre série consacrée à l'histoire des ministres et des ministères. Et nous sommes à Versailles parce que c'est ici, d'après ce que nous en disent les historiens et les historiens d'art, historiens du patrimoine, qu'ont été inventés peut-être les premiers bâtiments de ministères. On en discutera. Était-ce des ministères, était-ce des bâtiments d'archives et de bureaux pour des ministres? On en discutera juste à côté du château de Versailles. Nous avons ici, à quelques encablures, à une centaine de mètres, le château de Versailles. Et nous sommes sur le côté gauche de ce château, sur la rue de l'Indépendance américaine, devant un très beau porche, donc, sur lequel est inscrit une plaque de marbre noir, École militaire et d'application du génie. Et il s'agit en fait de l'hôtel de la guerre. Bonjour, Basile Baudez. Bonjour Emmanuel Laurentin. Vous êtes donc maître de conférence en histoire du patrimoine à Paris-Sorbonne, c'est cela? Oui, absolument. Et bonjour à vous, Sophie Danis. Vous êtes, bonjour. Vous, directrice des bibliothèques de Versailles et on comprendra dans un instant pourquoi vous êtes ici. C'est vous qui m'avez mis sur la piste de cet endroit puisque cet hôtel de la guerre jouxte l'hôtel qui était l'hôtel des affaires étrangères et de la marine dans lequel est installée maintenant la bibliothèque municipale de Versailles. Alors ici nous sommes devant un beau porche d'allure classique, un porche en pierre de taille avec de chaque côté des bas-reliefs qui représentent des épées, des boucliers, qui sont là pour nous dire effectivement que nous sommes dans le domaine de la guerre et au-dessus, les fleurs de lys royales. Donc, qu'est-ce que nous dit cette apparence extérieure sur cette rue de l'Indépendance américaine de cet hôtel? Bien, ça nous dit tout à fait son appartenance au domaine royal. D'abord par ce grand globe fleur-de-lysé dans un soleil et par son aspect particulièrement monumental qui contraste avec le reste des façades de cette rue qui est finalement une rue plutôt dévolue au service dans la configuration versaillaise. C'est un portail monumental, particulièrement orné, mais pas très original dans son aspect. On verra pourquoi, parce qu'il a été dessiné par quelqu'un qui n'était pas de formation classique, comme un architecte courant de son temps. Il était ingénieur et donc il a réutilisé des motifs très très courants qu'on trouve dans toutes les gravures de l'époque, mais qui sont ici un signe de l'appartenance au pouvoir royal et son caractère purement militaire. Alors, cette personne, dont vous n'avez pas encore cité le nom, s'appelle Jean-Baptiste Berthier, et on peut le savoir, puisque sur le côté droit de ce porche, on trouve sur le mur de briques une plaque dans cet immeuble construit par Jean-Baptiste Berthier en 1759 pour être l'hôtel de la guerre. Son fils Alexandre, né à Versailles le 20 décembre 1753, prince de Neuchâtel et de Wagram, major général de la Grande Armée, passa une partie de sa jeunesse. Et c'est un peu d'ailleurs le drame de ce Jean-Baptiste Berthier, et vous l'expliquez dans un livre formidable qui s'appelle « Les hôtels de la guerre et des affaires étrangères à Versailles » sous votre direction avec Elisabeth Maisonnier et Emmanuel Pénicaud. C'est un peu le drame de ce Jean-Baptiste Berthier que d'avoir été le père de quelqu'un de plus célèbre que lui, à savoir le maréchal donc Berthier, major général de la Grande Armée, qui d'ailleurs fut un temps ministre de la guerre sous Napoléon, c'est cela ? Oui, c'est Jean-Baptiste Berthier, le premier d'une lignée de grands généraux, dont son fils aîné, Louis-Alexandre, est le plus célèbre, et qu'il employa même au début du XIXe siècle, lorsque Louis-Alexandre devint ministre de la guerre. Il réemploya son père, qui était à la retraite, pour reprendre une affaire qu'il avait interrompue. Et Jean-Baptiste Berthier, c'est un exemple fascinant de l'ascension sociale du XVIIIe siècle, qu'on a un peu tendance à oublier, ascension sociale qui est due non pas uniquement à la guerre, mais là vraiment à ses talents. C'est quelqu'un qui est né en Bourgogne, en Tonnerre, dans une famille de vignerons. Son père était maître charron, et il est monté à Paris grâce à la protection d'un seigneur local. Et il a commencé à se faire connaître en travaillant dans des petits bureaux. Et puis finalement, il s'est attaché à un ingénieur qui formait dans une école privée des jeunes pour l'armée. Et petit à petit, il a, par ses dons, parce qu'on peut vraiment parler de dons ici, il s'est fait connaître d'un certain nombre de puissants. Alors, il a été cartographe, on pourrait dire presque un des premiers cartographes de ces années-là, où eh bien, on sépare progressivement les ingénieurs du génie des ingénieurs géographes qui vont dresser à la fois les cartes des champs de bataille, mais aussi les cartes des chasses du roi, par exemple. C'est ce qui lui arrivera. Et vous dites dans cet article, dans ce livre, Basile Baudès, que c'est peut-être un de ceux qui ont inspiré les cartes d'état-major du XIXe siècle, les cartes dressées par Jean-Baptiste Berthier, donc à ce moment-là, au XVIIIe siècle. Donc c'est un personnage un peu toute-main, pourrait-on dire, parce qu'il a plusieurs capacités, et une de ses capacités, c'est aussi la capacité d'architecte, alors qu'il n'a pas de formation particulière pour cela. Non, c'est très étonnant, et on peut encore assez s'interroger de la manière dont quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir réalisé aucun travail d'architecte auparavant, s'est vu confier comme ça des bâtiments prestigieux. Il s'agissait tout de même, à deux enclavelures du château, de construire des bâtiments importants pour une somme considérable, et ceci sans aucune qualification. Mais sa qualification, c'était celle d'être quelqu'un de très organisé et de très économe. Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance, qui a montré qu'il avait de l'entre-gens, qu'il avait un sens de la mesure et de la direction des chantiers. Il y a une anecdote qui montre bien qui est Berthier. On est en 1751, il y a la naissance d'un des petits-fils de Louis XV. Il y a un grand feu d'artifice sur la place d'Armes qui est célébré, comme à chaque fois qu'il y a une grande fête dynastique. Et puis, comme malheureusement ça arrive de temps en temps, une fusée part de travers et enflamme les magasins de fourrage de la grande écurie. La grande écurie, c'est celle qui se trouve sur la gauche, qu'on a le dos au château. Et là, catastrophe, incendie, et Berthier, qui se trouvait par hasard ici, dirige les secours, l'extinction des feux, et réussit à éteindre l'incendie en moins d'une journée, et pour cela, après, reçoit une gratification. Alors, cette question de l'incendie, on en reparlera. Il se fait connaître un peu comme ça, comme celui qui sait éteindre les incendies et qui sait diriger des troupes sur le moment. Alors, c'est intéressant parce que vous dites que c'est un organisateur, et il va montrer ses vertus d'organisateur, parce que visiblement, ce qui se passe auparavant, avant lui, vous l'expliquez dans ce livre, Basile Baudès, c'est que dans une sorte de désordre, eh bien, les ministres, les secrétaires d'État au roi et donc leur administration sont installés un peu partout, répartis un peu partout, dans des hôtels qui sont loués fort cher, d'ailleurs généralement à des familles nobles du côté de Versailles, mais également à Paris. et que, eh bien, il dit, c'est un peu idiot que de payer aussi cher. Moi, je peux vous organiser un bâtiment, voire deux, puisqu'il y en aura un second qui sera adjoint au premier, un bâtiment dans lequel on pourra rassembler toutes les administrations, toute l'administration et surtout les archives du ministère de la guerre. Alors comment ça se passe et à quel moment, Basile Baudez? Et c'est ce bâtiment que nous avons sous les yeux. Donc il s'agit d'un bâtiment relativement sobre, en pierre de taille, énormément de fenêtres, très éclairées, une cour intérieure, une façade large et puis des façades, des retours de façade beaucoup plus petits. Sur chacune de ces retours de façade, une entrée avec au-dessus un mascaron, donc en pierre de taille, et puis un bâtiment qui est construit en pierre de taille et en briques, en l'occurrence. Oui, c'est une des. Ça paraît très tard parce que le style pierre de taille brique dans l'histoire de l'architecture française tend à disparaître au cours du XVIIe siècle. Je pense plutôt à Henri IV et à Louis XIII. Voilà. Mais en fait, c'est une référence directe au château de Versailles, au grand commun qui est à proximité, et ça marque l'appartenance véritablement dans sa chair du bâtiment à la constellation du château. Et donc, c'est un signe important. Et puis, il y a aussi des questions de coût. Berthier, son principal argument, il arrive en disant que ça ne va pas coûter cher. On va faire des économies. Au lieu de louer pour 14 000 livres 9 logements un peu partout, on va pouvoir assembler dans un bâtiment rationnel les archives, les bureaux, tout ce dont on a besoin, et tout ça va coûter évidemment beaucoup moins cher que de louer et de jeter de l'argent par les fenêtres. Et c'est un peu cet esprit, on est tout à fait dans l'esprit des Lumières, on est tout à fait dans l'esprit de l'économie qui dérive de la chose militaire, parce que la chose militaire, c'est avant tout, on a besoin de faire des économies. Comme disait Danton, un peu plus tard, c'est l'argent. Alors, ce Berthier, donc, remporte une sorte... Ça n'est pas un concours, d'ailleurs. Il propose cette architecture. Elle est acceptée par qui, cette architecture, en 1759, quand il se lance dans cette aventure? Alors, c'est intéressant aussi, parce que, comme souvent en architecture, les bâtiments, ils sont faits par au moins deux personnes, qui sont l'architecte et le client. Et le client, en l'occurrence, c'est le secrétaire d'État à la guerre, le maréchal de Belle-Île. Et le maréchal de Belle-Île, c'est quelqu'un d'intéressant parce que c'est quelqu'un qui est ouvert à toutes les innovations architecturales, et particulièrement une qui va être utilisée ici, qui sont ces fameuses voûtes en briques. Qui n'avait pas été utilisé à si grande échelle et dans un bâtiment aussi prestigieux avant. Mais le maréchal de Belle-Île avait déjà dans son propre château en Normandie, le château de Bizy, pour ses écuries. Et les écuries, on sait que dans un bâtiment, c'est ce qui doit surtout ne pas prendre feu, parce que c'est là qu'il y a les chevaux. Donc, et c'est là qu'il y a le fourrage, donc c'est très dangereux. Donc c'est le bâtiment incombustible par excellence dans l'habitat privé. Donc pour ses écuries, il avait fait appel à des maçons venus du sud de la France, du sud-ouest de la France, qui depuis... pas mal de générations utilisaient des techniques catalanes. C'est pour ça qu'on a appelé ça après la voûte catalane. Alors, ça veut dire que dans cet hôtel particulier, on peut dire que Jean-Baptiste Berthier systématise un nouveau mode de construction, qui est donc cette voûte plate donc, en brique. On a souvent dit que c'était lui qui en était l'inventeur. Vous prouvez, vous, dans votre livre, Basile Baudez, que ça n'est pas le cas, qu'il y a des traditions qui remontent à plus longtemps du côté du sud de la France, qu'elles sont passées par des chemins, comme souvent, un peu étranges et obscurs, et qu'elles sont arrivées à la cour, et qu'il a appliquer de façon systématique cette construction en briques, qu'il ne fait pas d'ailleurs partout dans tout le bâtiment, Basile Baudez. Oui, c'est-à-dire qu'il rationalise absolument tous les espaces différents du bâtiment. Et pour les endroits qui n'ont pas véritablement besoin de supporter des archives, qui sont avant tout... qui sont des ouvrages stratégiques, qui doivent être conservés coûte que coûte pour la réussite des armées, il va utiliser du parquet. Donc on ne trouve pas des voûtes en briques partout, mais on en trouve quand même. Alors ce que va faire Berthier, c'est qu'à partir de cette solution que doit lui proposer le maréchal de Belle-Île, puisqu'il n'y a peu de raisons que Berthier connaisse cette solution avant, il va la systématiser, il va rationaliser, apporter certains éléments techniques qui vont améliorer cette invention et surtout faire une utilisation du métal qui est sans précédent avant dans ce type de construction. Hein, notamment pour les souches de cheminée qui sont les endroits un peu dangereux, tout est cerclé de métal. Il y a des tonnes et des tonnes de métal dans ce bâtiment, ce qui évidemment pose des problèmes après à long terme. Alors, on va entrer à l'intérieur de ce bâtiment pour voir peut-être le seul reste, pourrait-on dire, de cet hôtel de la guerre d'origine à l'intérieur du bâtiment, puisque beaucoup a été remanié, à savoir le salon de Diane. Nous voici donc arrivés dans cet hôtel de la guerre, dans le salon de Diane, avec Sophie Danis et avec vous, Basile Baudez. Alors, ce salon de Diane, et il faut le décrire, c'est une petite salle, tout compte fait, au rez-de-chaussée de cet hôtel particulier, mais une salle entièrement couverte, ou presque, par de magnifiques peintures, signées pour la plupart d'entre elles l'enfant, et qui représente des prises donc de plusieurs places fortes, en particulier du côté du nord de la France. Il s'agit de la prise de Menin qui est devant nous. Nous avons la prise de Fribourg ici. Un peu plus loin, nous avons le siège de Tournai en Belgique, la bataille de Lauffeld. Et pour terminer, la bataille de Fontenoy. J'ai oublié que juste devant nous, nous avons Louis XV, donc dans une peinture de Van Loo, sur son cheval, peinture équestre, donc en grande tenue d'apparat, donc sous les armes royales, donc sur fond bleu et avec des lys dorés. Alors voilà la description de cet endroit-là. Il faut dire que ces grands tableaux représentent des batailles lointaines, peintres de batailles, mais tout compte fait, on pourrait presque dire que si ça n'était pas signé l'enfant, ça pourrait presque être signé par notre Jean-Baptiste Berthier, puisque lui-même a fait des relevés cartographiques sur ces lieux de bataille, à Lauffeld en particulier et à Fontenoy, Basile Baudez. Oui, c'est en partie comme ça qu'il a approché le roi, qu'il a connu une sorte de gloire, en étant envoyé sur ces champs de bataille de la guerre de succession d'Autriche lors des grandes batailles remportées par Louis XV au début de son règne, notamment la bataille de Fontenoy qu'on voit ici, et qui au moment où sont commandés ces tableaux ne sont plus un peu qu'un lointain souvenir, puisque nous sommes au moment d'une autre guerre, la guerre de Sept Ans, qui est elle beaucoup moins victorieuse pour Louis XV. Et le fait de décorer cette salle d'attente, qui est une grande antichambre avant d'arriver dans le bureau principal du ministre, permet de renvoyer à ces grands succès royaux qui sont un peu oubliés au moment des vicissitudes de la guerre de Sept Ans. Alors il faut rappeler, ces combats sont des combats qui durent de 1744 à 1745 environ. Enfin, ce sont des batailles jusqu'à Lauffeld, c'est 1747. Donc, oui. Et lorsque cet hôtel est construit, on est entre 1759 et 1760-61. Voilà, le programme iconographique, lui, est plus ancien. Il avait été commandé à Pierre L'Enfant, qui est un élève de Paroissel. Paroissel lui-même avait débuté comme était le grand peintre officiel des batailles du royaume, et il avait pour le château de Choisy commencé un grand cycle sur les guerres de succession d'Autriche, puis il avait, faute de temps et emporté par la maladie, il avait arrêté cette production. Et c'est lorsque l'on a décidé de décorer cette nouvelle hôtel de la guerre, on a repris les dessins, les maquettes de Paroissel, et c'est son élève, L'Enfant, qui a peint toute cette série. Et finalement, on a trouvé que c'était très bien de décorer comme ça cette grande antichambre. C'est peut-être le moment avec vous, Basile Baudez, de s'intéresser à cette conception de ces bâtiments, parce qu'on a parlé de l'architecture, de la brique, de la pierre, des voûtes plates. On n'a pas encore parlé de cette hiérarchisation, pourrait-on dire, interne à ce qui ne s'appelle pas encore un ministère, qui doit être à la fois donc un hôtel qui conserve des archives, qui permet à des employés de bureau de venir au bureau tous les jours, pourrait-on dire, entre 1761 et la Révolution française, mais qui ne comporte pas les bureaux des ministres eux-mêmes, qui restent, eux, pendant ce temps-là, du côté du château. Oui, c'est ça qui est fascinant ici. C'est un grand moment dans l'histoire de l'administration française, parce que autrefois, notamment au XVIe siècle, au XVIIe siècle, notamment dans la première moitié du XVIIe siècle, quand on parlait de ministère, en fait, on parlait de ministres, on parlait de personnes. Les ministres gardaient leurs archives, leurs commis vivaient dans leurs hôtels particuliers, ils faisaient partie de la famille. Et puis petit à petit, notamment sous le règne de Louis XIV, avec la bureaucratisation de plus en plus importante du personnel administratif, notamment dans les départements qui prennent le plus d'importance, la guerre, les affaires étrangères, la marine, qui sont les premiers postes de l'État, eh bien, on a besoin d'entreposer cette masse documentaire quelque part. On ne peut pas la déplacer comme ça dans plein d'endroits différents. On a besoin de lieux de stabilité. Alors, en 1701, par exemple, on trouve à l'Hôtel Royal des Invalides, il y a deux pièces qui sont dévolues au bureau de la guerre. Bon. C'est une première étape. En 1710, au Louvre, la marine s'y installe. Mais il n'y a pas encore de lieu. Et c'est ici, pour la première fois, qu'on conçoit, que Jean-Baptiste Berthier conçoit un bâtiment spécialement pour les bureaux, spécialement pour l'administration. Il n'y a pas d'appartement pour le ministre. Le ministre n'y loge pas, il est au château. Et même le premier commis est au château. Ici, c'est l'administration détachée de son chef. Alors, c'est intéressant parce qu'il crée cet hôtel de la guerre et puis ça pourrait s'arrêter là. Mais lors de l'inauguration en 1761, je crois que c'est le 1er janvier 1761, de ce bâtiment, eh bien, le duc de Choiseul est évidemment ici. Il est ministre des Affaires étrangères et il dit « mais pourquoi pas moi, d'une certaine façon ?» Alors, il ne va pas rester très longtemps ministre des Affaires étrangères. Il va confier le ministère à son cousin, qui est le duc de Praslin. Mais néanmoins, il commande à Jean-Baptiste Berthier le bâtiment dans lequel nous allons nous rendre juste à côté, donc, qui est le ministère des Affaires étrangères, auquel va être adjoint la marine. C'est cela, Basile Vauzès ? Oui, c'est encore une question de personne. Choiseul devient, en 1761, le plus important ministre de Louis XV, cumulant avec son cousin les portefeuilles les plus importants. À eux deux, en se les échangeant de manière assez régulière, selon une pratique courante, les affaires étrangères, la guerre et la marine. Et Choiseul, voyant le résultat pour la guerre du bâtiment de Berthier, décide que pour les affaires étrangères, il faudrait évidemment la même chose. Et dans un deuxième temps, lorsqu'il récupérera la marine, il va décider d'adjoindre aux affaires étrangères la marine. Et du coup, pourquoi ne pas faire un deuxième bâtiment accolé à celui-ci ? On a parlé de bâtiments jumeaux, ils ne sont pas jumeaux, ils ne sont pas faits de la même manière, mais ils sont mitoyens, avec des espaces communs, une chapelle commune, des espaces de circulation entre les deux bâtiments, qui vont en faire une véritable première cité administrative. On va s'y rendre tout de suite et vous allez nous servir de guide, Sophie Danis, puisque c'est là où est installée maintenant la bibliothèque municipale, les bibliothèques de la ville de Versailles. Nous avons fait quelques mètres dans la rue de l'Indépendance américaine à Versailles avec nos invités, donc Basile Baudez, qui est maître de conférence en histoire du patrimoine à Paris-Sorbonne, et vous, Sophie Danis, vous êtes directrice des bibliothèques de la ville de Versailles, et nous sommes donc à côté de l'hôtel de la guerre, dans ce qui était auparavant l'hôtel des affaires étrangères et de la marine, qui est devenu la bibliothèque municipale. Alors, ça vient juste d'être rénové. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire de cette cour intérieure ici ? C'est encore une architecture qui semble la même, là aussi pierre de taille et briques, une architecture sur trois façades, puisque la façade que nous avons derrière nous, façade de droite quand on entre dans cette cour, est une sorte de pastiche des années 70. Oui, tout à fait. Cette cour a été fermée donc dans les années 70, mais auparavant, elle se déroulait seulement dans ces trois façades, dont l'une constitue le corps de bâtiment principal, hein, puisqu'elle est beaucoup plus longue que les autres. Et donc, il y a deux petits retours qui sont tout de même ornés chacun de fort jolis mascarons, comme vous le voyez, de chaque côté, qui notamment évoquent les continents, les différents continents. Voilà. Alors, par rapport à la façade de l'hôtel de la guerre, on voit tout de suite la différence, c'est-à-dire que nous avons un étage d'honneur, si je puis dire, avec ces... ces hautes fenêtres. Ces hautes fenêtres qui donnent justement dans la galerie des affaires étrangères que j'évoquais tout à l'heure. Et nous avons également cet aperçu de l'escalier d'honneur avec ces vitres arrondies que nous voyons là. Voilà. Alors, Basile Baudez, une des apparences de ce bâtiment, c'est effectivement cette brique dont on parle depuis le début. Mais c'est un plaquage, c'est ça ? Alors oui, c'est une histoire amusante. On a tendance à oublier, mais autrefois, pour des questions d'esthétique, parce que la brique, on n'arrivait pas à avoir une brique de couleur uniforme du fait de la cuisson, et pour des raisons aussi de protection contre les frimas, le vent, le froid, etc., on recouvrait la brique d'un enduit et qu'on peignait ensuite couleur brique, avec des faux joints, etc. Bon. Et c'est comme ça qu'étaient les deux bâtiments. Et c'est comme ça c'est ce qu'on peut voir dans la cour de l'hôtel de la guerre. Mais par contre, ici, si on s'approche un petit peu, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des vraies briques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une histoire amusante. C'est toute l'histoire des relations entre la municipalité et l'État. La bibliothèque municipale est, depuis 1803, municipale. Elle appartient à la municipalité. Et la municipalité, au moment d'une grande réfection, dans les années 50, 1950, après la guerre, lors d'une grande restauration, a voulu que son bâtiment présente une façade prestigieuse. Et aux yeux de la municipalité, une façade prestigieuse, c'est de la brique apparente, c'est pas de l'enduit. L'enduit, c'est pour les façades de pauvres. Et la commission des monuments historiques a mis son veto en disant ça n'a jamais été une brique apparente, ça a toujours été de l'enduit, on ne peut pas aller contre là. Et le maire, sénateur maire d'Amiens à l'époque de Versailles, a fait valoir que les écuries de Versailles, bâtiment national, avaient été restaurées en vraie brique. Pourquoi est-ce qu'un bâtiment municipal, lui, n'aurait pas le droit à sa vraie brique ? Et c'est résultat. Comme ça qu'on a cette façade en briques. Alors, on parlait de ces mascarons. Là, ils sont censés évoquer autre chose que la guerre, en l'occurrence. Et ces sculptures qui sont, ces bas-reliefs qui sont au-dessus de ces mascarons, évoquent quoi exactement, Basile Baudez, dans cet endroit, affaires étrangères, marines ? Le programme iconographique fait référence aux affaires étrangères, que ce soit le grand portail sur rue, qui est particulièrement somptueux, et aussi ces mascarons qui représentent les quatre continents de l'époque, évidemment, l'Asie, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Et ce qui montre bien que le programme iconographique était décidé bien avant que la marine ne s'installe dans ses murs, ce qui montre aussi la rapidité avec laquelle ce bâtiment a été construit. C'est aussi un des exploits de Berthier. Le gros œuvre, c'est-à-dire la totalité du bâtiment sans la décoration, a été menée en un an. Est-ce qu'il y aurait possibilité pour nos dirigeants de faire renaître Berthier ? Parce que pas cher, rapide, c'est ce que tout le monde voudrait pour les dépenses de l'État, en l'occurrence. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'il arrive à faire. Un an pour pouvoir faire un programme iconographique, monter les bâtiments. Et il fallait aussi faire dégager les propriétaires qui étaient sur ce lopin de terre, en l'occurrence. Oui. Ça s'est fait rapidement. Si on est tout près du château, c'est possible. Y compris lorsque les gens protestent et qu'on dit on aimerait bien garder notre petite guinguette, par exemple, et on leur dit écoutez, vous allez la mettre ailleurs, votre guinguette, c'est cela ? Oui, ça n'a pas été sans mal, mais ça a été fait de manière rapide grâce à l'action des ministres tous concertés. Et notamment, il y a une histoire amusante d'un limonadier. Donc, le limonadier, autrefois, c'est celui qui faisait cuire. Hein, on apportait ses aliments et il faisait cuire les aliments de celui qui l'apportait, et qui avait épousé la fille du peintre Oudry, grand peintre animalier, celui qu'on connaît bien, et qui proteste en disant c'est la seule chose qu'on a, vous allez détruire notre bien, on doit pouvoir le reconstruire. Et ils ont pu le reconstruire place d'armes, juste à côté du château. Et tous les voisins se sont plaints parce qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir de cuisine chez eux à cause des risques d'incendie. Et c'était le seul moyen pour eux de manger chaud. Sinon, ils devaient aller très loin et rapporter la nourriture froide dans leur logis. Le sandwich n'avait pas encore inventé le sandwich. Exactement. Donc, on va monter peut-être tout de suite par cette dernière de cet escalier d'honneur. Donc, dans ce premier étage de ce qui est devenu la bibliothèque, mais ce qui était auparavant le ministère, ou plutôt l'hôtel des affaires étrangères et de la marine. Bon, c'est la surprise. Parce qu'on a beau l'avoir vu dans votre livre, Basile Baudez, on a beau l'avoir vu en représentation, c'est assez somptueux, effectivement. On a monté un demi-étage, pourrait-on dire. On est un peu en surplomb de la rue, à 2,50 m en surplomb de cette rue de l'indépendance américaine et de la cour intérieure de cet ancien hôtel des affaires étrangères. Et nous nous trouvons dans une galerie sur Tomette, avec de chaque côté, Sophie Danis, de magnifiques livres. Et cette galerie est donc parcourue, pourrait-on dire, par un grand couloir. Et de chaque côté de ce couloir, qui est donc en bois doré, eh bien, nous avons des livres qui représentent quoi ? C'était des livres qui viennent d'où ? Et ce sont des livres de la bibliothèque ou ce sont des livres qui viennent justement de ce dépôt des archives des affaires étrangères ? Non, non. Malheureusement, les archives des affaires étrangères sont reparties à Paris dès le début de la Révolution, emportant avec elles notamment le manuscrit des mémoires de Saint-Simon, que j'aurais beaucoup aimé retrouver ici, mais ça n'est pas le cas. Cela dit, nous avons quelques petits trésors tout de même, puisque là, c'est le noyau du fonds ancien de la bibliothèque, telle qu'elle a été constituée à la Révolution française, comme beaucoup d'autres bibliothèques publiques en France. Donc voilà, nous avons environ 70 000 ouvrages anciens dans cette galerie, et ça n'est qu'une partie naturellement de notre fonds ancien. Alors, il faut peut-être dire qu'au-dessus de chacune des portes et de ces petites salles, puisque ce sont des salles comme des petites salles qui se succèdent avec un couloir qui les traverse, il y a des peintures, des dessus de portes somptueux. J'ai à ma droite au-dessus de cette porte sur laquelle est inscrite salle des traités, nous avons le Vatican. Sur la gauche, Saint-Pierre de Rome, mais un Saint-Pierre de Rome pas tel que nous le connaissons avec le pape François, mais à Saint-Pierre de Rome, donc avec des courtisans habillés à la mode du XVIIIe siècle. Pourquoi y avait-il ces décorations ici, dans ce ministère des Affaires étrangères, Basile Baudez, et qui en sont les auteurs ? Alors, le programme iconographique de l'espace le plus prestigieux de l'hôtel, cette grande galerie, a été décidé par Choiseul. Et c'est assez extraordinaire, ça reflète la vision politique de l'Europe telle que Choiseul se la figurait en 1762. Alors, lorsque l'on arrive, à tout seigneur, tout honneur, lorsque l'on arrive dans cette bibliothèque, là, le premier dessus de porte que l'on voit, c'est Saint-Pierre de Rome, mais ce n'est pas uniquement Saint-Pierre de Rome. Si vous regardez bien, vous avez un cortège avec des carrosses. C'est une entrée extraordinaire d'ambassadeur. Et qui est cet ambassadeur ? Eh bien, c'est Choiseul lui-même. C'est Choiseul qui se fait représenter, certainement, d'après les découvertes récentes, Frédéric Lacaille, son essai dans le livre qu'on a codirigé en parle, par le peintre Panini qui a représenté cette grande entrée prestigieuse. Et après se succèdent salle après salle. Vous avez la salle des traités dans laquelle on est, puis après la salle des puissances du Nord, la salle des puissances du Midi, la France au milieu, la salle d'Italie. Vous avez les vues de villes, les villes les plus importantes de chaque portion de l'Europe et qui représentent à chaque fois des alliances importantes de la France dans le jeu stratégique de la France. Et puis c'est un endroit qui pourrait plaire à Borges ou encore à Italo Calvino, parce que juste en dessous de Saint-Pierre de Rome, il y a tout de même cette magnifique expression, le cabinet des limites. Oui, ça plaît beaucoup à nos visiteurs et on est souvent interrogé sur le sens de ce cabinet des limites. Les limites représentant en fait tout simplement les frontières, hein, du latin limes, comme chacun sait. Vous enlevez un peu de la poésie, Sophie Danis, de ce cabinet des limites. Mais en effet, ça pourrait être tout à fait borgésien. D'ailleurs, nous avons récemment affiché un long texte de Borges, justement, dans cette galerie. Alors, on avance un peu dans ce magnifique premier étage de cet hôtel des affaires étrangères, en continuant à décrire ce que nous voyons ici même. Donc, des cheminées dans chacune de ces pièces, cheminées qui, évidemment, dans un lieu où on conserve des livres, c'est toujours un peu dangereux lorsqu'elles fonctionnaient. Et puis, vous nous montrez, Sophie Danis, une de ces vitrine. Cette gravure qui montre tout à fait à quel point ce bâtiment est intéressant, et c'est vraiment un immeuble de bureau, parce qu'enfin construire quelque chose d'aussi régulier à cette époque, on a là une architecture totalement fonctionnelle qui est tout à fait novatrice. Alors nous avons besoin de l'aide de l'architecte, spécialiste de l'architecture, du patrimoine que vous êtes, Basile Baudez, pour nous décrire cette gravure. C'est une coupe, la coupe de l'hôtel des affaires étrangères. On y voit donc des soubassements en pierre, en gros moellon peut-être, je ne sais. En moellon. Et puis ensuite, un premier étage sur lequel on voit des sortes de plans-reliefs, moi j'imagine cela en l'occurrence, des représentations de plusieurs canons, des choses comme cela. Ensuite, au-dessus, cette galerie dans laquelle nous sommes, donc avec ces magnifiques bibliothèques. Et au-dessus. Alors, au-dessus, c'est cette coupe qui est extraordinaire, qui a été réalisée sous la direction de Berthier, sans doute dans les années 1775, c'est ce que montre Emmanuel Pénicaud, à des vues de propagande, à un moment où il perdait un peu son emploi, montre donc toute la succession des bureaux. Au premier rez-de-chaussée étaient dévolus les grands plans reliefs de la marine et les modèles de la marine, ainsi qu'au dernier étage, avant les combles, on voit ici un certain nombre de maquettes de bateaux qui servaient à la marine. Et puis entre ces deux endroits, notre grande galerie et des espaces de bureaux. Et puis sous les combles, si on regarde bien, on voit une imprimerie avec des pages qui sèchent. Et ça, c'est une histoire aussi intéressante de Berthier. Ah, ça, c'est encore Berthier. C'est encore Berthier qui, pour des questions de rationalisation, a voulu, afin d'imprimer les textes réglementaires, afin d'imprimer les missives, afin d'imprimer tout ce dont avait besoin le service des archives de la guerre et des affaires étrangères et de la marine, avait voulu créer une imprimerie sur place, ici, dans les bureaux. Alors, il a essayé une première fois, en 1768, et évidemment, l'imprimerie royale, qui avait le monopole de l'impression, a fait fermer une première fois cette imprimerie, et puis il a réessayé sous les combles en 1774. Il a réussi à remettre une imprimerie, d'où sont sorties ces célèbres planches. Et on trouve dans les archives un certain nombre de missives, d'édits, de règlements qui ont, avec en dessous écrit, de l'imprimerie de l'hôtel des affaires étrangères et de la marine. Alors, on dit tout de même ce qu'on raconte depuis le début de cette promenade dans ce bâtiment de ministres et de ministères. Ce qu'on raconte, c'est tout de même, en l'occurrence, qu'il y a là des innovations, Basile Baudez et Sophie Danis, des innovations qui sont rares. Et on se dit, à la même époque, on a l'encyclopédie. Est-ce que l'encyclopédie raconte quelque chose de ce qui se passe ici, c'est-à-dire de cette invention de quelqu'un qui n'est pas un architecte, qui crée une rationalisation, pourrait-on dire, de l'État. Est-ce qu'on en a des traces ailleurs, en l'occurrence, en particulier, dans ces travaux des encyclopédistes Basile Baudez? Non, on a affaire à des mondes assez séparés, même si Choiseul était très très proche du monde encyclopédique. Notamment parce que le rédacteur des articles architecturaux pour l'encyclopédie, qui s'appelait Jacques-François Blondel, était un tenant farouche du monopole des architectes sur l'architecture. Donc voyant un ingénieur se voir confier des travaux d'architecture, pour lui c'était absolument scandaleux, il n'était pas question d'en faire la publicité. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles ce bâtiment extraordinaire a eu si peu d'écho dans la presse de l'époque. Même si des mémoires le célèbrent, le duc de Croy le visite, dit que c'est l'un des plus beaux bâtiments d'Europe, mais il y a cette volonté. C'est un moment très important justement où les ingénieurs, notamment les ingénieurs militaires, les ingénieurs civils, commencent à faire de l'architecture privée. On va organiser un colloque en novembre là-dessus, sur cette question. C'est tout à fait ce qui prépare le 19e siècle, lorsque Napoléon utilisera tous ces ingénieurs plutôt que les architectes. Alors, lorsqu'il y a des visites, à l'occasion en particulier des journées du patrimoine, ici, Sophie Danis, dans cette bibliothèque municipale de Versailles, vous montrez, j'imagine, cette très belle vitrine dans laquelle on trouve des portefeuilles. On comprend pourquoi on parle de portefeuilles ministériels. Donc, voilà. En l'occurrence, en cuir repoussé, d'or, en l'occurrence, le portefeuille du duc César Gabriel de Choiseul-Praslin, donc ministre des Affaires étrangères, on en parlait depuis tout à l'heure. Et puis un autre un peu plus loin qui était premier secrétaire à la guerre, Monsieur Lacolombière. Donc chacun de ces portefeuilles est représenté dans cette vitrine. Voilà, ça donne une idée de l'origine de l'appellation portefeuille de ministre. De nos jours, on appellerait ça plutôt un porte-document ou une serviette. Mais voilà, ce sont vraiment des portefeuilles de ministre. Et vous voyez aussi ce qu'on appellerait de nos jours un parafeur dans les administrations. Et puis également, derrière vous, dans cette petite vitrine, ce que j'aime beaucoup, ce sont des boîtes d'archives. Ah. Et ce qui me passionne, c'est qu'elles ont vraiment le même format que les boîtes d'archives qu'on trouve toujours dans l'administration. Elles ont vraiment des formats A4. L'épaisseur est la même. Vous voyez qu'il y a quand même une permanence dans l'administration. Justement, Basile Baudez, puisqu'on est dans une semaine, la Fabrique de l'Histoire parle de, pendant une semaine de la question des ministres et des ministères, et qu'on est ici pour parler de ces bureaux, comment ça s'organise la vie ici? On voit qu'il y a un étage d'apparat, nous y sommes, il est absolument splendide, somptueux. Il y a donc des étages de bureaux, vous nous avez dit qui vit dans ces bureaux, qui sont ces secrétaires, qui ne sont pas des secrétaires d'État au roi, non des ministres sous l'Ancien Régime, mais qui sont des secrétaires auprès des ministres, auprès de ces secrétaires. Que font-ils? Comment travaillent-ils? Y a-t-il un travail administratif réglé? Oui, alors c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'avec le règlement architectural vient le règlement de vie. C'est-à-dire Jean-Baptiste Berthier va édicter un règlement très très précis avec des horaires. On arrive à 9h, on finit son travail à 13h, on le reprend à 6h et on l'arrête à 10h du soir. Les 10h du soir. Oui, c'est la grande pause de l'Ancien Régime où on dîne au milieu de l'après-midi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut visiter, que la galerie est ouverte aux visiteurs étrangers qui, sous dérogation, en demandant au gouverneur, éventuellement au ministre, un permis d'entrée, peuvent visiter. Mais sinon, ce sont absolument des espaces de travail. Alors, des espaces de travail qui sont différents, qui sont tous standardisés, avec un mobilier standardisé, qui est commandé à l'avance, des bureaux qui sont tous semblables, qui sont plus ou moins décorés selon le statut hiérarchique de celui qui les utilise, avec un code de couleur même, du rouge pour les affaires étrangères, du bleu pour la marine, le bleu évidemment. Bien sûr. Et ces gens-là travaillent, et ici sont donc dans ces boîtes, tout ce dont ils ont besoin pour rédiger les rapports, préparer les campagnes militaires, préparer la défense des côtes, préparer les missives des ambassadeurs. Alors on avance un peu avec vous, Sophie Danis, et avec vous, Basile Baudez, dans cette magnifique galerie des affaires étrangères, devenue bibliothèque municipale. Donc il y a là des maquettes de bateaux, qui doivent être des restes, en l'occurrence, de ce qu'il y avait ici, Basile Baudez. Oui, la bibliothèque conserve quelques maquettes de bateaux. Je crois que le musée Lambinet en conserve également, puisque pendant un temps, dans la longue histoire de la bibliothèque, l'ancêtre du musée municipal de Versailles se trouvait sous les combles, avant qu'il déménage dans l'actuel hôtel Lambinet. Et donc, ces maquettes de bateaux, qui étaient très utiles, qui étaient véritablement des instruments de travail pour les ingénieurs de la marine, sont conservées ici, stratégiquement, avec les archives. Alors on laisse le secret de la licorne à notre droite et on avance un peu avec vous. Ça, c'était un portrait du duc de Choiseul-Praslin, de Choiseul en l'occurrence. Choiseul, voilà. On avance encore un peu avec vous, Sophie Danis. Et là, on se trouve dans un très bel espace, plus grand que les autres, pourrait-on dire, au milieu de cette galerie. Alors, vous avez en fait dans cette galerie 5 salles qui ont toutes la même dimension. Avec 2 petites salles à chaque extrémité. Cette salle, peut-être parce qu'elle se nomme la salle de France, semble un peu plus majestueuse que les autres, peut-être aussi à cause du grand portrait de Louis XV par Vandelot qui trône dans le petit côté, à cause de cette grande cheminée, sur laquelle d'ailleurs une pendule rappelle la signature du traité rattachant la Corse à la France en 1783. Et donc, Basile Baudez, c'est une salle qui se veut centrale parce qu'évidemment, la France se pense au centre de l'Europe, sinon au centre du monde à ce moment-là. Absolument. Ça, c'est véritablement à la gloire de la France que cette galerie est pensée. Et les 2 dessus de porte que nous voyons au-dessus, Naples et Madrid, rappellent également ce que nous voyons dans le décor dont on parlera plus tard, de Jean-Jacques Bachelier, un des titres de gloire du duc de Choiseul, qui était le fameux pacte de famille, en plein moment de la guerre, le moment où on a essayé, sur des considérations dynastiques, d'allier la France avec l'Espagne, l'Espagne bourbonne et Naples bourbonne. Bon, Naples, ça n'a pas marché, donc il a fallu s'allier avec Parme. Mais ces deux vues, Madrid et Naples, rappellent ici, dans la salle de France, cette alliance diplomatique qui est la gloire de Choiseul. Et d'ici là, on peut voir tout de même, dans la salle voisine, le grand concurrent de Paris, à savoir Londres, et on s'achemine vers les puissances du Nord pour terminer cette promenade dans ce premier étage. Qu'y a-t-il d'autre à voir, Sophie Danis et Basile Baudès, dans ce très beau bâtiment des affaires étrangères qui soit conservé justement de cet ancien bâtiment de ministère, ou du moins d'hôtel des affaires étrangères et de la marine datant du XVIIIe siècle, Sophie Danis? Alors, ce qui est conservé, c'est pour l'essentiel la structure, c'est-à-dire cette structure que vous avez vue dans la coupe que nous étudions tout à l'heure. Donc la structure avec ces gros murs porteurs qui sont tous en l'état, avec les voûtes catalanes à tous les étages. Et puis il y a encore énormément de cheminées, dont certaines justement sont décorées d'éléments de marine. Donc on voit que c'était là des bureaux appartenant au ministère de la Marine. Pour l'essentiel, c'est ça. C'est essentiellement la structure, en fait, qui reste, et les cheminées. Dans le programme iconographique, on a parlé des dessus de porte, mais entre les fenêtres, il y a des grands tableaux allégoriques qui ont été commandés un peintre, Jean-Jacques Bachelier, qui était à l'époque directeur de la manufacture de porcelaine de Vincennes. Et ces grands tableaux, qui sont en partie inachevés, représentent aussi à la fois des cartes, ici on voit des ronds où devaient figurer des cartes, et aussi des éléments allégoriques, notamment les puissances au service de la France, le pacte de famille, les grands traités diplomatiques du règne de Choiseul. C'est donc une sorte d'immense carte de visite, Basile Baudès, pour le ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'il reçoit des hôtes de marque, il les fait venir dans cette galerie. Et cette galerie, symboliquement, un peu comme dans une sorte de jardin à la française qui serait bien conçu, bien travaillé, dit ce que se pense la France, comment elle se pense dans le monde et ce qu'elle veut être. Oui, c'est absolument ça. C'est un vrai décor monarchique, une volonté de montrer à la fois une pensée politique, une pensée stratégique et une volonté d'éblouir ceux qui viennent. Alors, ce qui est étrange, c'est que tout compte fait, c'est une production qui a lieu dans les 30 ou 40 dernières années avant la Révolution française. Évidemment, ceux qui produisent cela ne pouvaient pas le savoir, et que très rapidement, ces bâtiments seront abandonnés pour servir à autre chose. C'est comme cela que, en 1803, la veille, l'année qui précède la mort de Jean-Baptiste Berthier, eh bien, ce bâtiment ne sera plus le ministère des Affaires étrangères, mais deviendra donc la bibliothèque de Versailles. Tout à fait. En réalité, d'ailleurs, les archives diplomatiques sont parties dès 1789. Et ces lieux, on n'a pas décidé tout de suite de la destination de ces lieux, puisque la bibliothèque a failli se trouver logée dans le château. Et puis finalement, on a trouvé qu'on avait besoin du château pour mettre les invalides de guerre. Et la bibliothèque, tout naturellement, d'ailleurs, s'est installée ici. Et ensuite, au cours des 250 ans qui ont suivi, elle a petit à petit expulsé tous les autres habitants du lieu, puisque au départ, elle n'occupait que cette galerie. Elle était accompagnée de sociétés savantes, du musée municipal, du monde piété local, enfin de diverses institutions. Et puis petit à petit, elle s'est étendue pour occuper donc maintenant 6000 mètres carrés dans ce bâtiment. Avec toujours l'espoir, depuis le début, de récupérer l'hôtel de la guerre pour son expansion. Et il y a toujours des histoires très amusantes de partage, parce que ces deux hôtels qui étaient imbriqués l'un dans l'autre, il y avait des pièces communes, notamment la chapelle, des passages. Brusquement, au moment de la Révolution française, l'hôtel de la guerre, lui, est resté à la guerre. Il est devenu une caserne, puis après l'école du génie, ce qu'il est toujours. Et donc on a dû murer absolument tous ces bâtiments. Et il y a notamment une anecdote amusante, c'est que pendant des années, la pièce qui était partagée par les deux hôtels, la chapelle, avait été annexée par l'hôtel de la guerre. Et durant l'occupation, en 1940, l'ancien conservateur, qui était assez proche des milieux pétainistes, a obtenu de l'amiral Darlan, juste avant qu'il disparaisse, qui lui redonne cette pièce pour la bibliothèque municipale. Et c'est pour ça qu'elle est désormais à la bibliothèque municipale. Elle est d'ailleurs très appréciée par nos étudiants qui s'en font une petite salle de groupe tout à fait agréable. Basile Baudez, si on se replace dans la longue histoire de l'architecture et de l'architecture civile en France, on peut dire qu'on a visité là les premiers bâtiments destinés à devenir ce qu'on pourrait appeler des ministères, même si ça ne porte pas encore ce nom, avant la Révolution. Est-ce que les solutions architecturales qui ont été choisies par Jean-Baptiste Berthier pour cet hôtel de la guerre et pour cet hôtel des affaires étrangères et de la marine ont eu des suites dans des constructions napoléoniennes ou Louis-Philippe-Arde qui ont succédé ou de la Restauration ? Oui, l'organisation même des bureaux, telle qu'elle a été conçue par Berthier, c'est-à-dire un long couloir avec de chaque côté des cellules sur le modèle monastique des bureaux, l'organisation de commande du mobilier, l'organisation systématique des lieux, elle va être tout à fait reprise dans les premiers bâtiments de bureaux qui vont être construits en France, notamment sous la monarchie de Juillet. La solution de la voûte plate en briques, elle, n'aura pas le succès qu'on l'attendait, sauf aux États-Unis, où dans la seconde moitié du 19e siècle, elle va connaître un succès extraordinaire et va devenir une des principales modes de réalisation et d'utilisation de la brique outre-Atlantique. Et comment explique-t-on qu'un innovateur, un génie de l'architecture, même s'il était un autodidacte comme Berthier, ne soit pas resté malgré votre travail, dans la mémoire commune comme étant justement un personnage important? C'est peut-être le sort de ces personnes qui sont difficiles à mettre dans des cases. Ingénieur, cartographe, architecte, en même temps, c'est sa principale œuvre. Le reste est important. Il a notamment travaillé au château de Vaux-le-Vicomte. Il a notamment repris entièrement le premier étage du château de Vaux-le-Vicomte. Mais c'est un personnage qui a, même de son vivant, été oublié très, très vite. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire cette grande entreprise éditoriale de gravure du bâtiment. Et qu'il est difficile, comme ça, entre l'ingénieur, l'architecte, qu'il est difficile de caser. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est un peu oublié aujourd'hui. Merci à vous, Basile Baudez, ainsi qu'à vous, Sophie Danis, de nous avoir mis sur cette piste, fabuleuse piste, de cet hôtel des affaires étrangères et de la marine, devenu bibliothèque municipale, mais également de l'hôtel de la guerre tout voisin. On peut en savoir plus en vous lisant avec ce livre collectif qui est paru en 2010, qui s'appelle, tout simplement, Les hôtels de la guerre et des affaires étrangères et de la marine à Versailles au XVIIIe siècle, paru aux éditions Nicolas Chaudin. Merci à tous les deux. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. La prise de son était assurée à Versailles par Pierre Quintard et la réalisation par Renaud Dalmar. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'émission www.franceculture.fr. À la page de la Fabrique de l'Histoire, vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours après sa diffusion, la télécharger pendant un an et laisser vos commentaires sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.